L'aristocrate actuellement, pourquoi qu'il est dissimulé à l'échelle de la planète? C'est parce qu'il est trop spirituel et trop matérialiste. C'est ça, il a pris l'illusion pour la réalité. Ben, il a toujours fait ça, mais il n'est pas encore sorti de l'illusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité des gens ici qui sont trop matérialistes, mais qui sont des aristocrates potentiels, par exemple, ou qui le sont déjà actuellement, s'ils avaient accès immédiatement à la richesse, donc au temps et à l'argent, ils se mettraient immédiatement à créer. C'est pas qu'il y ait un mot, il y a du bon paquet ici, là, qui se mettrait à créer. Il inventerait, il écrirait, ou il irait voir quelqu'un qui a des idées géniales, puis il dirait, écoute, moi t'aider. Ça fait partie de la création, ça, là. Il irait aider les pays en voie de sous-développement, il créerait, en tout cas. Bon. Structurer un environnement qui a de la lutte. Non. Il crierait uniquement parce que il crierait. Ça le brûlerait, il ne serait pas capable de ne pas le faire. Ça. Là, ils sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas d'argent ou ils n'ont pas de temps. Les aristocrates, trop penchés du côté spirituel, ils feraient la même chose. Ils crieraient. Mais eux, ça serait pour aider. La problématique, c'est qu'actuellement, quelqu'un qui veut aider l'humain, il vient se mettre le nez dans les pattes des plats de l'intelligence. Mais l'intelligence n'a pas prévu ça. Ben oui. C'est pourquoi les aristocrates actuellement n'ont pas de richesse. C'est prévu. Oui, mais qu'est-ce que ça donne Ça donne que toi, tu restes assis sur tes fesses. Oui, mais... Tu te demandes qu'est-ce que ça donne. Ben oui. Créer. Mais c'est ça, je te dis, pourquoi qu'ils me mettent dans la tête cette question-là, tant qu'à ça, c'est juste à tout venir en même temps quand ça va être le temps? Ils t'ont pas mis dans la tête non plus. L'astral. Les forces motrices anti-évolutionnaires me mettent dans la tête de l'humain et l'affaire pour l'amener en dissonance. Exactement comme t'as un petit écureuil là, qui a faim. T'as des pinottes. Il est en avant de toi. Tu le nourris. Là, il y a un écureuil qui a faim. Il va te voir du lac. Le lac mesure 1 000 de long. C'est moi que tes jumelles, il a faim. Tu le nourris-tu? Ben, l'être humain là, qui est matérialiste, il va s'en foutre. L'être humain qui est spirituel, il va essayer de nourrir ses jumelles, les yeux. Oui, il va souffrir. Ouais, il va prendre son auto, il va aller de bord, il va souffrir. Il va y aller. Oui, mais là, pourquoi qu'ils m'ont mis ça? L'astral s'est organisé pour que tu prennes tes jumelles, tu regardes le bord du lac, on a envoyé un écureuil qui avait faim, là, on va te le montrer. C'est tout. Puis toi là-dedans, ben toi là-dedans, t'aimerais bien tout les nourrir, les écureuils. Oui, c'est vrai. Là, il y a un écologiste qui va pouvoir se parler, qui va te dire, s'il y a trop d'écureuils, là, des tirons, ça, hein? S'il y a trop d'écureuils, il n'y aura plus de téléphone. Ça gruge les fils téléphoniques. Et ça, c'est l'électricien qui va dire ça. Mais les écologistes vont t'expliquer qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des prédateurs. Parce que la nature est tellement bien faite qu'il faut que ça meure tous les jours. Pour garder l'équilibre et l'harmonie. Il faut que ça se rentre-dessus. Ça, mais les plans de l'intelligence, donc ça, c'est immuable, il ne faut pas toucher à ça. Ce qui est important de comprendre, pour tout le monde ici, là, écoutez bien ça. Même ceux qui ne sont pas ici, mais qui écoutent, là. C'est pour ceux qui ont acheté des cassettes. Vous ne pourrez pas être riche. Moi, quand je parle de richesse, là, je parle pas de travailler comme un fou, une folle pour ramasser de la matière, c'est pas ça. Tu sais, t'as ce qu'il faut, puis t'as le temps qu'il faut, t'es riche. T'as plus de créativité, t'as 3-4 millions. T'as pas de créativité pour l'instant, t'as 50$. T'es riche, t'es correct. Pas d'insécurité, puis une garantie des événements de vie, que t'auras pas faim, que t'auras pas froid, puis que tu seras pas pogné. C'est bien beau. Avoir 50$ paye bien, mais il suffit qu'à un moment donné que le paye augmente, puis... Alors, la richesse, c'est réellement pas une question de chiffres. Bon. Les gens ici, vous n'êtes pas riches parce que l'intelligence vous empêche d'être riche. Parce que si vous seriez un peu plus riche... On ferait des choses qui iraient à l'encontre de l'intelligence. Tout le monde irait foutre le bordel. Ah, ben c'est évident. Partout. C'est évident. Ouais. Non, mais c'est... Là, même riche, c'est évident, tu le sais, parce que comment t'expérimenter, tu peux pas. Mais qu'est-ce que c'est, aller foutre le bordel partout? C'est une bonne question. C'est important. Puis quand vous allez comprendre ce que c'est, il y a bien des affaires qui vont changer dans vos vies. Un aristocrate, un être qui se conscientise, un être qui est en contact avec l'intelligence, ne manque de rien. Il y en a même en abondance. Alors, c'est facile de dire, moi, je suis un prêtre, en contact avec Dieu, puis il faut inquiéter, manteau de tout. C'est pas ça. Donc, les aristocrates, eux, quand ils vont avoir compris de ne pas déranger l'intelligence, là, ils vont être bien. Ben oui, c'est évident. Mais À quoi ça sert, l'aristocratie? À quoi ça sert, là? Non, mais c'est... À quoi ça sert une gang de personnes qui sont bien puis que ça ne change rien? Le bordel est quand même dans le reste de l'humanité. Ben, c'est pas vrai que ça ne sert à rien. C'est qu'ils vont avoir des problèmes. Premièrement, ce qu'il faut que tu comprennes avant d'être aristocrate, c'est que quand tu vas être dans la gang, là, qui ne sert à rien, là, parce que le reste de l'humanité continue à se taper dessus, là, ben, il va falloir que tu comprennes que tu ne sers à rien puis que tu n'as pas à servir à quelque chose. C'est ça. Pourquoi il faudrait que tu serves à quelque chose? C'est des illusions. Explique ça. Ben oui, on peut pas perdre. Mais je comprends pas les plans de l'intelligence à ce moment-là, c'est ça? C'est simplement parce que. Je vais t'expliquer. Mais là, c'est... écoutez pas, une petite aparté en privé. C'est parce que tu as tellement peur que quelqu'un puisse avoir le contact et qu'il ne vienne pas t'aider que par transposition, tu aimerais avoir le contact pour aller les aider. Les autres. C'est pour ça qu'il est dit problème. Bon, on revient, puis écoutez. Mais... Non, mais même à ça, là, ça m'explique pas le plan de l'intelligence. Ouais, mais là, j'ai expliqué, moi, je m'en fous du plan de l'intelligence. J'ai expliqué pourquoi, comment on peut créer les problèmes. Comment on peut devenir des nouveaux aristocrates. Ben, c'est-à-dire, comment on peut ne pas en être un, en tout cas. Oui, ou comment on peut en être un. Comment avoir. Mais comment en être un, c'est facile, cesse de déranger l'intelligence. C'est ça. Tu vas devenir aristocrate, tu auras de la richesse. Mais comment vous dérangez l'intelligence? Comme toi, tu es une grande dérangeuse intelligente. Ça doit. Ben oui. Je te l'ai dit. Mais là, ce que je vais vous expliquer, là, c'est probablement bien difficile à comprendre pour l'émotivité humaine. C'est un gros problème. Alors, pour vous expliquer ça, je vais me baser sur... on peut boire un peu d'eau. Un jour, ça marche pas ce coup-là, là. Tu m'envoies des mauvaises énergies? J'ai vu en même temps que toi. C'est allé là. Ah, ouais, bon, il y a un bonhomme qui a vécu dans le passé, il s'appelait Jésus. À un moment donné, il y a un bonhomme qui allait le voir, un autre bonhomme qui vivait dans le passé aussi, dans le même passé. Il s'appelait Barabbas. Tu as rencontré, à un moment donné, tous deux, autour d'un plan d'eau. Barabbas, il lui a dit, écoute, t'es le gars qu'il nous faut, tu vas être le chef des Zélotes, de la première guerrière. Puis Jésus lui a dit, écoute, aime tes ennemis comme toi-même. Et bon, Barabbas, il s'est analysé, c'était pas à tête ses murs, là. Il a de la misère à comprendre ça. Comment peux-tu aimer ton ennemi si ton ennemi vient chez toi pour tuer ton monde? Non, ça, j'avoue que... C'est Barabbas, là, c'est qui ça, là. Jésus, quand il parlait, là, ça avait-tu de l'allure? Pas dans son temps. C'était absolu. Ce qui se disait là était absolu. Mais lui-même, j'avais compris c'était quoi l'amour, donc lui-même n'a pas appliqué. C'était pas descendant dans l'illusion de ce temps-là. Mais non. Sauf que, là, le Nazaréen parlait pour lui, bon. Oui, c'est ça. Lui, il parlait pour lui, mais Barabbas, lui, il comprenait pas. Non, Barabbas, il comprenait pas du tout. Quand Nazaréen, à un moment donné, ça va se faire crucifier. Il s'est pas avancé à côté aussi. Ben, c'est ça. Ouais. Quand Nazaréen s'est fait crucifier, à un moment donné, ben, il continue à aimer tout le monde. Pas de problème, là. Lui, là, il pardonne là, ils savent pas ce qu'ils font. Barabbas, il se demande encore la question. Ah, Barabbas, lui, il barabassait. Aimer, ça veut dire être capable d'aimer sans émotivité. Puis le Nazaréen était capable d'aimer sans émotivité. Quand ton ennemi rentre chez toi et vient tuer le monde que t'aimes, là, pourquoi je te parle du « vient tuer le monde que t'aimes » parce que s'il vient te tuer, ça te pose une petite question. Là. Donc, il vient tuer les autres. Non, mais c'est ça, c'est ça. Il vient tuer les autres. Si tu as de l'émotivité, tu as la haine. Parce que l'amour n'est pas une émotion. C'est un sentiment. Et l'humain, il émotivise, là. C'est pour ça que l'humain a de la misère avec ça, là. Mais l'humain, bon, donc quand Nazaréen parlait d'amour, il parlait d'un sentiment, il parlait pas de... Il fallait que tu regardes l'autre qui venait tuer ta femme et tes enfants, ou ton mari et tes enfants, ou tes parents, puis si tu l'aimes réellement, tu vibres à la misère qu'a ce pauvre type-là, est obligé de venir perdre sa vie à faire saigner les autres. Puis pendant qu'il fait saigner les autres, là, il espère que ton oncle à toi, il est pas chez lui. Ouais, c'est là, finalement, que dans la réalité, dans ce qu'on vit actuellement dans notre entourage, là, si on pense comme ça, on est mort. Mais mort, on va y arriver. C'est la problématique par la suite quand le Nazaréen va dire, par exemple, si on te donne une claque sur la face, c'est temps à l'autre. C'est temps à l'autre, fatiguant ça. Bien, c'est fatiguant certain. Mais comme a dit un grand, grand, grand prophète par la suite, t'en as juste deux joies. Fait qu'elle était tapée à la deuxième, là. Ah, c'était une chance. Présente 10 ans plus d'autres. Il y a taxes faire de quoi? C'est à ton tour. Mais l'humain n'a pas compris ça. L'humain est devenu, encore une fois, inefficace. Quand l'humain est en contact avec l'intelligence, l'humain devient inefficace. Parce que celui qui fuit. Oui, c'est ça, on continue. Bon, oui, il était bien parti. Aimer, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut punir quelqu'un qu'on aime? Ben, quelqu'un qui ne comprend pas ça, puis qui vous voit faire, il vous trouve chien en maudit. Bon, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un qu'on aime? Pas par accident, là. Oui. Ben, oui. Oui. Oui. Mais là, l'humain a des difficultés à comprendre ça. À preuve, l'euthanasie qui n'est pas acceptée. T'as tout ton cheval, il s'est cassé la patte, on peut pas le soigner, on va le tuer pour qu'il souffre, pauvre petite bête. Ton serin, il s'est cassé une aile puis une patte, puis on peut pas le soigner, on va le tuer pour qu'il souffre, pauvre petite bête. Mais celui que t'aimes, là, il est malade. Faut pas le soigner. On le tuera pas. Faut qu'il souffre, pauvre petite bête. C'est comme ça, ça marche. Bon. Mais si on aime, ben c'est évident qu'on... C'est sûr, si il veut continuer à vivre, écoute, on ira pas se battre avec lui, là. Il va perdre. On laisse vivre. Mais à un moment donné, là, tu sais, j'ai travaillé dans des endroits avec des personnes âgées qui avaient été très maltraitées par la vie. Puis régulièrement, c'est ça, ils mangent plus. Mais là, c'est une zone raveneuse. Puis là, c'est du gavage. Et 600 piastres par mois, ça rapporte, ça, là, n'est-ce pas, le salaire de main. Les raisons veux-tu en plein. L'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu considères qu'à l'échelle planétaire, pour que des êtres, pour que des corps physiques puissent... Il y a tout un paquet de phénomènes que je ne peux pas vous expliquer ce soir, c'est beaucoup trop complexe, qui a trait à la neurologie, à l'endocrinologie, ben, aux mutations génétiques, etc. Pour que des corps physiques puissent vivre une expérience planétaire en confrontation avec la mémoire et l'intelligence, puisse arriver à engendrer des mutations énergétiques au niveau de l'atome des cellules, pour que par le biais de la génétique, à un moment donné, on puisse créer des corps physiques qui vont être capables d'être la matière, qui vont être capables de recevoir de la lumière sans problème. Ça nécessite des contextes expérientiels particuliers. Puis les contextes expérientiels particuliers sont les contextes que nous connaissons par le biais des médias, les contextes par le biais des livres d'histoire, les contextes qui se passent actuellement sur la planète Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je... déteste la violence, je déteste la souffrance, tout ce qui arrive, de toute façon, je suis un des premiers à dire que la vie actuelle de l'humain est une insulte magistrale à son intelligence. Donc, je ne suis pas pour rien de ce qui se passe planétairement présentement. Sauf que je suis obligé d'admettre, obligé d'admettre que c'est le chemin le plus rapide que la matière imbibé d'une âme, en contact avec de l'intelligence, peut suivre pour souffrir le moins longtemps possible, pour en arriver à un contact pur avec l'intelligence, une centricité dans sa conscience. Alors, c'est évident que quand je regarde les choses aller, j'irai m'en mêler. Mais l'aristocrate aussi veut s'en mêler. Parce qu'antérieurement, les plus beaux chevaliers ou chevalières étaient les aristocrates. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Sauver la veuve et l'orphelin. C'était un terme ésotérique, la veuve et l'orphelin. C'était pas le... petit gars, petite fille, puis la femme, là, parce qu'il y avait les chevalières aussi. C'est pour ça que ça n'a pas réussi. C'est parce que c'est pas ça qu'il fallait qu'il fasse. Tout le temps. Peut-être déranger l'intelligence, oui. C'est aller en Bosnie arrêter le chien, par exemple. Mm-hmm. Non. Déranger l'intelligence, c'est quand un être conscient va en Bosnie. Mais quand les êtres qui n'ont pas suffisamment de conscience vont en Bosnie, c'est parfait. Ah, les casques bleus, c'est correct. Moi, je serais à la tête de l'ONU, j'enverrais des casques bleus en Bosnie. Les gens sont intelligents, là, mais ils n'ont pas de conscience encore. Ils ont de la conscience. Mais j'enverrais des soldats qui n'ont pas la conscience développée là où ça va nuire en Bosnie. Alors j'ai envoyé du monde là. Autrement dit, moi je vais aller en Bosnie, là, intelligent comme je suis, puis conscient comme je suis, là, ma faute de bordel. Fait que j'ai monté à envoyer quelqu'un bien plus efficace que moi. Quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça, mais c'est ça ressemble, mais on va rester dans le garde-robe. Ils te laisseront même pas parler. C'est pas grave, c'est le garde-robe et tout. Oui, c'est vrai. Bon, ce qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est qu'il y a des. Bon, vous connaissez probablement ça du monde. Bon. Je vais vous conter une histoire, j'ai déjà compté une fois ou deux, là. Je vais la raconter encore, elle est bonne. Je la change toujours un peu, de toute façon. Une histoire vraie. Elle dit, on s'est tiré d'un fait vécu, parce qu'à longue, ça a lieu à se changer. Il y a un bonhomme qui s'est pointé aux États-Unis à un moment donné, puis là, lui, là, c'était un grand bichou schnick-schnack-flanc de Guinée, il arrivait de l'Inde. Puis il dit à tout le monde, « Rachni-schmour-schnick-flanc ». Ça veut dire, « Lavez-vous le dessus des bras ». Bon. Là, il disait à des étudiants dans les universités américaines que pour arriver au Nirvana, il arrivait de l'Inde, il parlait du Nirvana, il fallait, la meilleure façon, c'était de passer par des drogues fortes. Pas fortes, en tout cas, il parlait d'opium, d'héroïne, et puis d'héros. Et puis, à un moment donné, ben là, il a ramassé un paquet d'étudiants parce qu'il y a des sniffeurs, des piqûres, il y avait là-dedans, puis bon. Puis là, il s'est ramassé plein de monde. Disons, il y a de l'argent, pour acheter ça, il faut de l'argent. Puis là, ben là, le monde, il payait, puis lui, il parlait. Un peu comme moi, tu sais. Mais il payait pas mal plus cher, par exemple. Et puis, à un moment donné, ben là, il s'est ramassé avec 3 4 000 fidèles. Ça le suivait. Ça sniffait. À un moment donné, ben là, il est allé dire à tout le monde que Dieu venait de lui parler. Ben, pas Dieu, mais il y a un autre mot. Puis, c'est pas les drogues fortes, c'est la marijuana. C'est la Marie-Jeanne qui va nous au Nirvana. Fait que là, sa gang, ils ont commencé à lâcher les drogues fortes, ils se sont mis à marijuana, puis tous ceux qui en fumaient déjà, ben là, ils se sont dit, hey, là, il commence à être correct, le gars. Ils ont dit, c'est ramassé à 7, 8 000, 10 000, 20 000. Il y en avait du monde. Puis lui, il y en avait de l'argent. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il aurait fait avec cet argent-là, puis ce temps-là, s'il avait été très conscient? Il serait planté. Alors, il a acheté des Rolls Royce, une par jour. 365 Rolls Royce et un quart de Rolls Royce. Pour les années bissextiles. À un moment donné, tu allais dire à sa gang, la marijuana, c'est pas bon. Dieu, là, m'a dit que juste l'alcool, rien d'autre. Puis il est revenu plus tard en leur disant, l'alcool, là, pas bon. Juste respirer. Les Américains l'ont mis dehors du pays. Ils ont trouvé des raisons. C'est dangereux, ce gars-là. Pourquoi il est allé trop vite, là? Il s'est fait. Et lui, il a réussi à prendre des milliers d'étudiants qui se droguaient, qui étaient partis. Puis lentement, il les a amenés à plus se droguer. Tout en continuant à vouloir vivre. Tout en étant trop branché sur la spiritualité. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'un gars de même, c'est génial. Il y en a plein qui l'ont dénigré. Moi, je veux dire, c'est génial. C'est dangereux. Et je suis mauditement content que ce soit pas moi. C'est très dangereux pour la conscientisation. Ben oui. Mais tu sais, tu regardes le gars, allez, n'importe qui vient faire de quelque chose, il y a une raison intelligente en dessous. On la voit pas. Quand tu regardes l'autre qui se promène avec ses Rolls Royce, la gang qui sont là à sniffer, c'est crime. Mais qu'est-ce que l'intelligence peut faire pour les corps physiques des jeunes qui le suivent peuvent pas passer autrement que par lui? Que toi, tu vas aller les rencontrer, ces jeunes-là, tu vas leur parler, ils vont te trouver tellement au but là, qu'ils vont sniffer deux fois plus. Pour faire des autres. Moi, je pensais que la conclusion de ton histoire, c'était l'inverse, que ce gars-là, il avait su comment ne pas déranger l'intelligence. Le gars, il n'a pas su, puis quand le gars commençait à se rendre compte de ce qui était en train de lui arriver, il l'a mis dehors les états. Là, le gars, il quand il a commencé à être conscient un peu plus de son affaire, là, puis il dit, tabarnouche, ce que j'ai fait, c'est génial! Ah, lui, il ne savait même pas, là. Quand ils l'ont mis en dehors, ceux qui ont... En tout cas, celui qui a décidé ou celui qui s'est fait manipuler, hein, lui, il est... Il n'est pas conscient de rien. À un moment donné, il a besoin d'un exemple à propos d'immigration. Ah, il a besoin c'est un fonctionnaire, affaire, puis... Il a ramassé ce gars-là. Mmh. Il s'est rendu compte qu'il n'a jamais eu de permis d'immigration accepté. Mmh. Et finalement, ben, il l'a sacré dehors du pays. Mais comment ce gars-là aurait pu faire pour ne pas déranger l'intelligence? Je sais pas qu'on parle de ce gars-là, mais je donne un exemple. Non, mais justement, comment on fait pour ne pas déranger l'intelligence? Comment faire ne pas déranger l'intelligence? Ça veut dire que si... Premièrement, elle n'a pas m'interrompre. Bon, OK. Bon. Mais ce que je vois là-dedans, c'est que si tu as... Oui, si ça marche pas. Si tu as de l'argent... Mais toi... Faudrait pas être capable de faire... Ça veut dire que là, t'as une vie, tu fais des choses, puis si tout d'un coup, t'as plus d'argent, plus de temps, faudrait pas que finalement, que ça change à ceux qui pour qui ça devrait pas changer. C'est-à-dire que, mettons que t'as de l'argent de plus, il faudrait pas t'aller en donner à plein de monde qui en ont besoin si on peut en avoir, parce que toi, tu n'auras pas plus d'argent. Un exemple. Je voulais répondre à la question. Ouais. Vous m'en dites, j'ai bien de l'argent, pourquoi j'ai t'en donner, c'est ça? Ben là, ça, on en parlera après. Même. En faisant ce que tu fais, là, toi, là, en parlant de même, en réveillant du monde, tu déranges. Mais je ne réveille pas du monde, les gens sont réveillés. Ben, je vais prendre mon cas personnel. T'as quand même servi de... Ouais, mais dans ton cas, c'est effectivement, c'est différent. Bon, ça dérange quelqu'un. Non, lui, il t'est réveillé, il n'aurait pas vécu. Oui. Il s'est endormi. Oui. Quand il m'a rencontré, ben là, il s'est réveillé. Mais. Oui, mais ça dérange le plan quelque part, ça? Non? C'était prévu de même? Ben, c'était prévu. Prévu, là, ça, c'est des mots, ça, prévu, là, c'est météorologique pas mal, ça, c'est... Il fallait que ça se fasse comme ça? Non! Pas il fallait que ça se fasse comme ça, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça, c'est fait, OK. Mais... ceux qui comprennent, là... Ce qu'il faut faire, il faut apprendre à relaxer. C'est pour ça que tout... Ça veut dire que... Relaxer. C'est pas juste... C'est pas juste de se le dire, là. Mais non. Si je gagne 1 million, ça veut dire que la meilleure chose à faire, c'est de m'acheter un petit chalet sur le bord d'un lac pour aller pêcher. De l'intelligence, ça va pas trop frustré, là. Pêcher. Tu vas pêcher sans hameçon, au cas que tu ne pas acheter de ouais, pêcher. Bon. Sauf que l'idée, c'est pas ça. C'est pas quand Plumet a dessiné ça qu'il va commencer à être riche s'il est aristocrate. C'est important, là. Être riche s'il est aristocrate. Il est aristocrate au départ. Il y en a qui ont de l'argent, c'est juste ça qu'ils ont. Il y en a qui ont du temps, c'est juste ça qu'ils ont. Moi, je parle de richesse. L'humain qui devient aristocrate, est capable d'être centré, commence à rayonner. Bon, ça se fait lentement, là. Hein? C'est pas une question d'être aristocrate à 100%, là. T'es aristocrate à 2%, puis t'as 2% de richesse. Puis ça revient lentement comme ça, 2% de ta capacité à supporter. L'idée, c'est pas de se dire, bon, ben, si bon, j'ai de l'argent, je serai pas ci, je serai pas. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'arriver à comprendre suffisamment ce que c'est que la planète, suffisamment ce que c'est que l'humain, à conscientiser suffisamment l'intervention d'intelligence dans le contexte planétaire, pas à regarder partout, là, dans notre vie au départ, puis à un moment donné, quand vous allez voir un écureuil en face de vous, puis vous allez avoir des pinottes, vous allez y en donner, puis quand vous allez voir un écureuil au bord du lac, ben, vous allez le trouver beau. C'est tout. Au pire, vous allez dire, et qu'il est niaiseux d'être au bord du lac. Il n'est pas à bonne place. Au pire. Mais c'est pas long, ça ne vous dérangera pas. Donc, ça ne vous dérangera plus. Donc, quand vous allez gagner la loterie, vous n'achèterez pas un assez gros sac d'épinottes et un bateau. Vous allez nourrir l'autre. Mais l'humain, présentement, n'est pas équipé pour être capable de supporter de la richesse sans venir foutre le bordel. Dans des pays sous-développés où j'ai été, on arrive à une place, puis tu veux acheter une pétate. Bon, c'est ce que c'est. Une espèce de nasse, une espèce de gugus tressé, en tout cas, là, en paille de machin, puis ça sert à se coucher sur le sable pour éviter que les poux de sable, en tout cas, bon. Puis, c'est travaillé à main, ça, là. Puis, on voit du monde qui travaille ça, et des femmes, surtout, avec des enfants dans le dos, puis des enfants partout, puis des petits cochons. Puis, ils tissent ça. Ça prend une heure et demie. Il faut leur acheter ça, 25 cents. Fait que le touriste qui passe par là, il dit 25 cents, pas mal. Là, je dis, c'est 5 $. C'est ça, notre problème, nous autres. Spirituel. La personne, c'est une bonne personne. Puis le problème de l'aristocrate, c'est que souvent, c'est du bon monde. Puis le bon monde, ils vont se faire tabasser, comme ils sont toujours fait tabasser à travers l'histoire de l'humanité, parce que le bon monde ne sait pas comment régir le contact avec l'intelligence. Le bon monde, ben, il mange des crottes. Alors la personne a dit, ben oui, mais ça n'a pas de maudit bon sens. C'est le travail qu'elle a fait, 5 $ au moins. Tu sais. Mais là, c'est ce qui arrive, c'est qu'elle, avec son 5 $, là, elle est folle comme un balai. Fait que le prochain pétaté qu'elle fabrique, là, elle vend 5 $. Mais le petit paysan qui vient en acheter un à 25 cents, là, il est 5 $, mon pétaté. Il ne peut plus l'acheter, lui. Fait que là, il dit, écoute, vends-moi en un. Elle va dire, non, c'était pas 5 $, va-t'en. Il y a un touriste qui va passer, il va l'acheter. Là, on vient de créer la pauvreté dans le village. Ce qui arrive, c'est que les aristocrates, il faut qu'ils sachent que tout le monde n'est pas aristocrate. Oui. Il faut savoir doser. Il faut que tu puisses ajuster le contact avec ton intelligence, avec la situation. Ça veut dire que tu te rends compte que ce n'est pas esthétique, que l'humain soit obligé encore de s'asseoir à terre, au soleil, à tisser des pétatés pour vivre. Tu sais, c'est à la barbouche, ça n'a pas de bon sens. Une petite enfant à moitié tenue qui se promène, puis là, il fouille dans les poubelles, puis là, tu sais, Dieu, il est mieux de se cacher. Tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens pour l'aristocrate. Sauf que tu te rends compte que toi, tu vas être pire que tout ça par ton passage. Si on fait des interventions. Là, il faut que tu fasses comme un bateau qui avance dans l'eau. Je dis souvent, le bateau, il fend l'eau, mais derrière lui, l'eau n'est pas brisée. Alors, il faut absolument que tu ne casses pas tout. Fait que tu as un petit 25 cents. Un petit 30 cents à un petit 30 cents. 35 cents à un petit 35 cents. Monte pas trop haut. Là, tu vas t'en aller. L'aile, elle va aimer les touristes. Elle va vendre ses pétatés aux cultivateurs d'à côté, aux paysans. Il n'y aura aucun problème. Tu vas à une place, c'est plein d'enfants, ça crève tout de faim. La bouffe du monde! Quand tu manges un petit repas par jour, là, t'as faim. Et quand tu viens à manger un maudit gros, là, après, t'as faim en tabarnouche quand tu fais plus. Ça veut dire qu'il faut être au courant d'un paquet de lois. Il faut être au courant de ce qui se passe. Plus simple que ça. Il ne faut pas être au courant de rien du tout. Il faut être intelligent. Puis il faut être conscient. Quand tu marches dans un pays sous-développé ou quand tu marches devant l'écureuil ou dans la vie, dans votre vie actuellement, si tu es conscient puis si tu es centré, il n'y a pas de technique. Plus on parle, plus on reçoit de l'information, plus on jase entre nous autres de ces choses-là, plus on se centre. Hein? Il n'y a pas de philosophie, tu ne t'embarques pas dans une affaire pour suivre. Tu as des mécaniques qui vont t'aider, tu as des affaires de la parole surtout. Dans l'ère ancienne, la parole était d'argent, le silence était d'or. Mais ça, c'est pour fermer l'humain, parce qu'en réalité, c'est l'inverse. La parole est d'or, le silence est d'argent. Alors, l'humain doit comprendre, doit finir par être capable de gérer son intelligence, gérer le peu de richesse qu'il a au départ, gérer son aristocratie, sans continuellement vouloir refaire le monde. Dernièrement, je disais à des gens, sous Pégénésis, vous ne devez pas changer le monde, vous devez changer de monde. C'est ce qu'on doit faire, changer de monde. Là, ça peut dire changer de planète, ça peut dire changer de temps, mais ça peut vouloir dire aussi changer d'amis. Puis enlever le bon gars, là, le côté bon gars. Ça dépend. Comme toi, tu es un bon gars, tu t'es fait ramasser à l'os tout le temps. Oui. Mais moi, j'aime bien mieux t'entourer de bonnes personnes. Puis après ça, ben écoute, arrangeons-nous pour cesser de manger des coups. T'sais, le bon monde, là, c'est merveilleux. Ils ont le cœur gros comme la main, ils sont pauvres. Justement, il y a un cœur gros comme la main. Mais s'il y a de l'intelligence par-dessus. Il faut rester du bon monde, mais il faut être intelligent à travers ça. L'intelligence doit avoir du cœur, mais le cœur doit être intelligent. Sans ça, c'est l'asphalte de Ramon Sainte. Bon, ben, faites attention à la grippe.